à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, j'ai décidé de m'attaquer à une légende, un animal mythique, parfois effrayant, mais surtout discret, qui a fait frissonner des générations d'enfants au coin du feu. Je veux bien entendu parler du loup. Dans l'interview, j'ai la chance de recevoir Florence Debauve, bergère, qui vient nous présenter son métier et son quotidien en estive. Bonjour Florence, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. C'est lui qu'on appelle pour emporter les enfants turbulents. Lui qui hurle dans les sous-bois, glace le sang, fait trembler la chair et dévorera le monde. Le loup gris, Canis lupus, terrifie autant qu'il fascine. Mais c'est, au final, un animal que l'on connaît mal et sur lequel beaucoup de légendes continuent de circuler. Tenez, prenons ceci par exemple. On imagine le loup, la gueule tournée vers la lune, qui hurle son désespoir dans une mélopée triste et inquiétante. La réalité est tout autre. Les loups hurlent essentiellement pour se serrer les coudes, pour indiquer aux autres membres de la meute où ils sont, mais aussi pour se rassurer. Une étude menée en Pologne par l'équipe de Sabina Novak, parue en 2006 dans le Journal of Ethology, a suivi des loups sauvages munis de colliers émetteurs pour tenter de mieux comprendre quand et pourquoi les loups hurlent spontanément. Déjà, les canidés poussent la chansonnette plutôt en soirée, entre 18h et minuit, ce qui correspond à la période où ils sont le plus actifs. Et quand ils chantent en chorale, ça dure plus longtemps. Entre 67 et 95 secondes et jusqu'à 4 minutes quand ils sont à plusieurs, contre seulement 34 à 40 secondes quand ils s'adonnent au récital en solo ou en duo. Audibles jusqu'à 2 km de distance, les hurlements servent dans 43% des cas à communiquer au sein d'une même meute, entre des individus qui sont temporairement séparés. Cela peut être entre adultes, mais aussi entre les petits ou les aidants, les adolescents nounous qui sont restés à la tanière faire du babysitting, et les autres adultes partis chasser. Dans 22% des cas, les hurlements initient une période de chasse, et dans 18% des cas, ils sont émis lorsque tous les membres de la meute se réunissent. Les échanges avec d'autres meutes sont beaucoup plus rares, seulement 2% des hurlements enregistrés. Car si le loup a fait sienne la devise du « un pour tous et tous pour un » au sein de la troupe, il ne joue pas forcément l'apaisement avec les voisins. Les affrontements entre meutes sont violents et peuvent aboutir sur la mort des combattants. Chacun chez soi. Cette idée d'agressivité brutale chez les loups contribue également à façonner leur mauvaise réputation. Elle s'incarne même complètement dans un concept extrêmement populaire chez nous, celui du mâle alpha. On retrouve cette idée du chef, combattant, vindicatif et téméraire, qui casse la figure aux autres dans de nombreuses réécritures modernes et populaires qui mettent en scène des loups-garous. Dans la série Teen Wolf, par exemple, ou même dans la saga Twilight, les meutes de lycanthropes sont toujours menées par un mâle alpha qui s'impose par la force et ne laisse aucune place à la discussion. Mais qu'en est-il en réalité? Je suis navrée de vous décevoir, mais cette vision très viriliste de l'autorité est complètement fausse. Du bullshit complet. Vous pouvez le dire à Jean-Michel, hein, qui roule des mécaniques en vous affirmant que c'est un vrai mâle alpha. La blague. L'histoire qui accompagne la naissance de ce concept illustre très bien, à mon sens, comment l'humain projette ce qu'il a envie de voir sur les autres espèces animales et comment une fausse info peut perdurer dans le temps. Celui qui est à l'origine du concept de mâle alpha chez le loup est un biologiste américain, David Mitch, rattaché à l'université du Minnesota, qui a consacré toute sa vie à les étudier, et ce, dès les années 1960. En captivité, il observe que le mâle alpha est l'animal dominant du groupe, qui gagne son statut hiérarchique en remportant des bagarres. Lors de la distribution de la nourriture, notamment, les affrontements sont nombreux. L'animal le plus agressif accède donc en priorité à la nourriture, mais aussi aux autres ressources, comme les femelles, pour se reproduire. David écrit un livre intitulé « The Wolf, The Ecology and Behavior of an Endangered Species », publié en 1970, qui se vend à des milliers d'exemplaires. Un vrai best-seller. Après ça, David part étudier les meutes de loups sauvages au Canada. Et là, ce qu'il observe en nature est bien différent. Pas de bagarre et de compétition permanente pour devenir chef. Dans leur milieu naturel, les meutes de loups sont des groupes familiaux menés par un mâle et une femelle. Il y a donc bien des leaders et ce sont les parents. Le couple alpha, si vous y tenez vraiment. La femelle joue elle aussi un rôle primordial. Mais le couple ne gagne ce statut d'autorité dans la meute que parce qu'ils se sont reproduits et qu'ils élèvent leurs petits. L'agressivité n'est donc pas vraiment de mise. En plus, on sait que les loups ont développé tout un panel de postures et d'expressions qui leur permettent de gérer la plupart des conflits sans aller à l'affrontement. On s'excuse en léchant les babines de l'autre, en baissant les oreilles et la queue, et la bêtise est oubliée. Chacun a son rôle et sa place, et les parents n'ont aucun intérêt à flanquer des roustes à leurs petits. Les observations faites en captivité rencontrent ici leurs limites. En parc zoologique, les animaux étaient regroupés artificiellement et n'avaient pas forcément de lien du sang. On est donc bien loin de la structure d'une meute au naturel qui reste une famille avant tout. Quand il s'est rendu compte de son erreur, David a publié des communiqués pour faire éclater la vérité. Dans un article paru en 1999 dans le Canadian Journal of Zoology, il encourage notamment à parler plutôt de couple reproducteur ou parental plutôt que d'alpha, un terme qui a été mal utilisé trop longtemps. Mais son livre, malgré ses erreurs, se vendait tellement que son éditeur ne voulait pas arrêter de le commercialiser. Et puis, l'idée d'un gros costaud qui gagne tous les affrontements semble avoir fait des émules quand on voit le nombre de livres et de vidéos qui utilisent toujours le terme d'alpha à toutes les sauces, même chez l'humain. Vous voilà prévenu, les idées reçues ont la peau dure. Dépeint comme une créature vile et assoiffée de sang, le loup cristallise les peurs et la haine depuis la nuit des temps. Animal discret par ailleurs, qui la joue collectif en famille, on lui reproche surtout d'être un envahissant prédateur. Mais est-ce que ce ne sont pas finalement nos croyances, souvent fausses, qui lui causent le plus de tort? N'avons-nous pas envie de le rendre plus terrible qu'il ne l'est vraiment? Comme le disait Martine dans Les femmes savantes de Molière, « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Et nous revoici avec notre invitée, Florence Debauve, bergère, mais aussi autrice et illustratrice, qui vient nous présenter son métier, ses missions et ses enjeux. Elle a écrit le livre Bergère, qui est paru en 2021 aux éditions Transboréal et qui nous fait vivre son quotidien pendant l'estive. Alors, pour commencer et mettre un peu les choses au clair pour les citadins et les autres, je me suis dit que ça serait pas mal de redéfinir quelques termes. Les bergers sont des membres actifs du pastoralisme, ce mode d'élevage qui est basé sur le déplacement des animaux sur des pâturages naturels, mais on parle aussi de transhumance et d'estive. Alors, qu'est-ce que c'est que la transhumance et l'estive ? Alors, l'estive, c'est à la fois la temporalité, donc la période estivale, et le lieu. Dans les Alpes, on dit aussi alpage, et dans les Pyrénées, on dit plutôt estive. Et la transhumance, c'est le fait de monter les troupeaux, justement, en estive. Et alors, est-ce que c'est nécessaire que tous les troupeaux partent en transhumance? Parce que du coup, l'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'en gros, pendant l'été, les animaux vont brouter des herbes plus vertes en hauteur. Est-ce que c'est absolument obligatoire ou seuls certains troupeaux le font? En général, ce sont les troupeaux qui sont plutôt en montagne. Enfin, c'est les troupeaux qui n'ont pas assez d'herbe pour rester tout l'été à la ferme. Et sur les pâtures où il n'y a pas les brebis, du coup, l'été, on fait les foins. Donc souvent, c'était en montagne, dans les vallées, où ils n'ont pas beaucoup de pâture. Ils les montent en estive, et donc, pendant que les brebis sont à la montagne, ils font les foins en bas. Ok. Voilà, mais il y a beaucoup donc, de fermes en plaine qui restent toute l'année sans transhumer. Et donc, l'estive, ça correspond à la période estivale, ça, c'est vraiment juin à fin septembre ? Ben... à peu près. Alors, il faut savoir que dans les réponses, je vais beaucoup répondre, ça dépend. Parce que toutes les estives sont différentes, toutes les montagnes et tous les troupeaux, de tailles différentes aussi. Et donc ça peut aller, je pense, de début mai à fin octobre, quoi. En fait, ça, c'est défini aussi par la présence de neige. Donc tant qu'il y a de la neige et qu'il n'y a pas d'herbe, après, une fois que la neige fond, il faut un petit moment pour que l'herbe pousse. Et donc les estives assez basses, on va pouvoir monter assez tôt en mai. Et les estives plus hautes, on va monter en juin ou juillet. Et donc tout ça, c'est vraiment que c'est très lié à la montagne. C'est vraiment toujours dans ce milieu-là qu'on fait ce type, voilà, transhumance estive. Ouais, c'est très lié à la montagne et tout dépend aussi de chaque versant et de chaque troupeau, quoi. Alors d'autres termes sur lesquels je voulais qu'on revienne avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était pour éviter les confusions entre éleveurs et bergers, qui sont deux métiers différents, même s'il arrive aussi que des fois les mêmes personnes occupent les deux fonctions. Quelles sont les différences entre voilà, les éleveurs et les bergers ? Oui, tu l'as bien dit, un berger, ça, c'est un propriétaire d'un troupeau, donc qui s'installe et qui achète un troupeau et qui le gère toute l'année. Et si cet éleveur, il veut transhumer en montagne, il peut embaucher un berger. Donc là, le berger, il est salarié, il a ses propres chiens de conduite en général. Et il reste tout l'été, il s'occupe des bêtes de l'éleveur. L'éleveur en bas, en général, il fait les foins. Un éleveur peut aussi être un éleveur berger. Et dans ce cas-là, il monte avec son troupeau, il reste toute l'année avec son troupeau. Il y a aussi des éleveurs bergers transhumants. Ok. Et ceux-là, ils peuvent aussi ne pas avoir de terre et ne pas être propriétaires de terre. Et donc trouver un lieu de pacage l'été et un autre l'hiver. Et dans ce cas-là, ils bougent toute l'année avec leur troupeau. Et rien que parce que je pense à ça, les zones où les troupeaux vont se retrouver pendant l'été, ça veut dire que l'éleveur doit réserver un terrain. Comment ça se passe pour qu'il ait le droit d'emmener son troupeau à cet endroit-là ? Oui, oui, bah souvent c'est des parcelles communales, les montagnes, des stations de ski ou autres. Souvent c'est communal et les éleveurs ils louent en fait par brebis. Ils ont un tarif par brebis pour monter leur troupeau. Il n'y a pas énormément de place, du coup, voilà, d'une année à l'autre, ils les emmènent au même endroit. Et quand l'éleveur n'est pas berger, comment est-ce que ça se passe le recrutement ? Comment est-ce qu'ils font pour trouver des bergers pour garder leur troupeau ? Eh bien, ça, il faudrait leur demander. Après, nous, on a un réseau d'annonces de bergers, donc ils puisent dans le réseau. Et il y a aussi des petits réseaux départementaux un peu plus ciblés en fonction de là où les bergers recherchent. Et j'ai l'impression que ce n'est pas facile, qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a plus d'offres d'emploi que de bergers. Ah ouais, donc berger, c'est plutôt recherché en ce moment, on en a besoin, quoi. Ouais, ouais, on en a besoin. Et en fait, dans la profession des bergers, en général, on ne tient pas très, très longtemps. Il y a beaucoup de bergers qui font 2-3 ans. Déjà, si on tient la première année, c'est bien, parce que les conditions de travail sont très dures. Si on fait 2-3 ans, c'est bien. Et en plus, il faut du temps pour apprendre le métier. Et donc, trouver un berger qui, sur les estives un peu difficiles, où il faut être autonome, c'est très compliqué, je pense, de trouver un berger. Ça se fait, mais oui, j'ai l'impression qu'ils ont du mal. Et justement, ça allait être ma question suivante. Comment est-ce qu'on apprend à devenir berger ? Il n'y a pas d'école pour devenir berger. Et c'est... Si, ça existe. Si, ouais. Ouais, ouais, y a des formations de bergers vachés, ouais. Ok. Ouais, et ouais. Qui sont forcément dans les zones de montagne où il y a de la demande. Et les jeunes peuvent faire ça après un cursus plus classique ou... Oui. Ok. Oui, oui. Il y en a, y a des formations dans les Pyrénées et il y en a aussi plus vers les Alpes, ouais. Ok. Et des formations qui durent plusieurs mois, années C'est un an. Okay. Je crois que c'est 9 mois ou quelque chose comme ça. Parce qu'après, du coup, c'est 9 mois, mais ils enchaînent sur une saison d'estive, donc ça fait un an en tout. Ah oui, parce qu'ils enchaînent sur de la pratique dans le feu de l'action tout c'est de suite. C'est ça. Ok. Et vous, justement, est-ce que c'était votre parcours ? Je crois pas. Hein. Vous avez un parcours tortueux, en tout cas aventureux, c'est plus le terme. Comment est-ce que vous êtes devenue bergère ? Moi, j'ai passé mon bac. Après mon bac, j'ai voyagé. Et en revenant, j'ai fait un DUT dans l'aménagement du territoire dans l'idée de travailler dans les parcs naturels. Mmh. Et à la fin de ce DUT, j'ai fait un stage de 2 mois qui ne m'a pas du tout plu dans un parc. Et à la suite de ça, j'ai commencé à être bergère. En fait, dans mon stage dans le parc naturel, je voyais des bergers qui venaient en fait, à la maison du parc. J'étais là, mais dis donc, ils ont l'air d'aller trop bien, ces gens et tout. Et nous, c'était un peu compliqué dans l'équipe et moi, mon boulot ne me plaisait pas du tout. Et je les voyais passer, je me disais, tiens, mais ils ont l'air d'aller bien, quoi. Et après ça, donc je crois que je suis repartie en voyage. Et quand je suis rentrée, il y a une bergère qui cherchait à être remplacée. Et elle n'avait pas d'argent pour payer, mais elle était OK de m'apprendre et de me nourrir, loger et de me prêter son chien. Oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, les bergers, il faut qu'ils aient leurs assistants. Alors, on en parlera plus en détail, mais ils ont leurs chiens qui sont formés pour les accompagner. C'est mieux, oui. Ouais, ouais. Sinon, il faut en trouver un, mais c'est un peu compliqué. Il vaut mieux avoir son chien. Ouais. Et puis, j'imagine que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut que le chien il apprenne aussi le métier pour apprendre lui aussi à se former. Ouais, c'est donc, ça. Et donc, pour cette première formation, vous avez été tout de suite en estive avec une bergère pendant plusieurs mois pour apprendre sur le terrain comment faire ? Alors ça, c'était pas une estive, c'était de la garde en colline. D'accord. Alors la garde en colline, c'est là par exemple, c'était une éleveuse en chèvres qui avait des chèvres laitières, donc qui trayait. Et on trayait et pour les faire pâturer, je les gardais. Des troupeaux de chèvres qui mangent beaucoup de broussailles et du coup on peut pas trop les parquer, elles sauteraient la clôture et voilà, il faut juste les garder dans les broussailles. Et donc j'ai fait ça et je rentrais le soir à la ferme. D'accord. Donc j'étais pas toute seule, j'apprenais pour les soins, j'étais avec l'éleveuse et voilà. Et là je gardais aussi beaucoup sur les bords de route, on faisait les fossés, on débroussaillait et en faisant ça en fait les gens ont vu que je bossais et petit à petit j'ai trouvé du boulot dans les fermes autour quoi. Mais parce que là, je pense broussailles, mais ça veut dire qu'il faut être capable de les suivre. Les chèvres, elles vont peut-être dans des endroits où c'est pas facile pour un être humain de... Ouais, hein les chèvres en Ardèche, alors là, c'était des chèvres du Rov, qui est une race rustique qui est assez coriace. Et en Ardèche, dans les broussailles ardéchoises, ouais, c'était un peu sportif, ouais. Même en revenant le soir, ça fait des bonnes journées quand même, parce qu'il faut les suivre en permanence, l'été sous le soleil, etc. Sans, du coup, de point de chute, à moins qu'il y ait des endroits, est-ce qu'il y a des espèces de points d'arrêt pour les bergers qui bossent à la journée ou ça n'existe pas trop en colline ? Non, ça n'existe pas trop, non. Et ouais, c'est assez sportif et d'autant plus que là, je pouvais la remplacer, mais sinon, c'était elle qui faisait ça toute la journée. Donc, elle qui trayait, qui faisait les fromages, qui gardait. Il y en a beaucoup qui font ça, en fait, qui ne peuvent pas parquer et qui, du coup, gardent. Et n'ont pas l'argent pour embaucher quelqu'un, ils font des heures pas possibles. Ah bah j'imagine. Et puis rien que d'un point de vue logistique, pour récupérer le lait, le stocker, enfin ça va être compliqué, tout en gardant les chèvres qui se déplacent. Ou alors. Après chaque soir on rentre à la ferme. Ouais, pour garder le lait, ou alors elle trayait le soir quand les chèvres revenaient. On trayait matin et soir. Alors l'idéal c'était qu'il y ait deux personnes et comme ça il y en a un qui transforme et. Wow. Il se débrouillait aussi seul, donc je ne saurais pas dire exactement. Ouais. Je pense qu'il transformait vite fait avant de sortir les chèvres. Ouais. C'est incroyable. Hein, on comprend mieux que voilà, c'est un métier très physique qui prend beaucoup de temps et pour lequel on ne compte pas ses heures. Quoi. Du coup, depuis combien de temps est-ce que vous faites ce métier-là ? Donc ça, c'était votre toute première expérience avec les chèvres laitières ? Ouais, ça, c'était en 2012. Okay. Et après, j'ai fait comme ça des petits contrats de garde et aussi des contrats en exploitation où j'ai appris la transformation fromagère et tout. Et ma première estive, donc là, je vais sur la sixième, j'ai compté, j'ai compté dans la voiture, mais j'ai fait une pause au milieu, donc ça devait être en 2016 la première ou en 2015 et après j'ai fait une pause, quelque chose comme ça. Mais six estives, donc six étés complets. Là, je vais sur mon sixième, ouais. Et d'un point de vue aussi, c'est vrai que l'image du berger que l'on se fait, souvent, c'est quand même un homme âgé un peu revêche, un peu solitaire. Concrètement, ce n'est pas votre cas. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est un métier qui attire les jeunes ? Et est-ce qu'il y a aussi des femmes bergères ou est-ce que ça reste encore rare ? Quoi ressemblent les bergers ? Oui, bah, c'est quand même plutôt des jeunes maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ? Je ne saurais pas dire combien il y en a. On est quand même pas mal. Et là, même cette année, on rigolait avec un berger qui est sur une estive à côté parce qu'il y a trois nanas qui arrivent sur différentes estives autour. Donc lui, il devient tout seul avec quatre filles autour. Et je ne saurais pas dire. J'ai l'impression qu'on est maintenant arrivé à moitié-moitié, quoi. Mais beaucoup des jeunes, parce que c'est vrai qu'on s'imagine que c'est un métier un peu ancestral, avec voilà, des gens qui ont des années d'expérience, un peu de bouteille, mais en même temps, c'est vrai que vous disiez que c'était un métier difficile, donc c'était dur de le faire pendant des années et des années. Donc c'est plutôt des profils jeunes qui se dirigent vers ce métier-là ? J'ai l'impression, oui. Moi, je vois plutôt des jeunes. Après, là, moi, par exemple, je remplace un berger qui est parti à 68 ans. Okay. Eux, ils tenaient très très longtemps. Bon, je ne sais pas d'où leur vient cette force. Ouais, parce que pour crapahuter toute la journée en montagne... Il y a ça et puis il y a l'isolement aussi. Ouais. Ça veut dire que quand on s'isole pendant 4 mois, même les estives qui sont assez accessibles, quand même, on laisse tomber la vie d'en bas et les gens. Et c'est compliqué de construire des vraies relations avec les gens quand on dit... quand on ne peut pas prendre d'engagement, en fait. Mmh. On ne peut jamais prendre d'engagement sur une année, voire plus. Et oui, moi, je vois plutôt des jeunes. Ouais, c'est vrai que ça attire et même j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui postulent en tant que débutants et que ça attire pas mal de monde. De venir apprendre, mais peut-être aussi qu'il y a peut-être que c'est aussi le côté un peu solitaire qui attire, le côté être seul dans la montagne avec la nature. C'est vrai qu'on vit dans un quotidien très hyper connecté où il faut être toujours dans l'immédiateté. C'est vrai que c'est une temporalité très différente quand on est berger, bergère, quand on est un peu seul avec juste la nature autour, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, maintenant, il y a tellement de randonneurs aussi qu'on est de moins en moins seul. Ouais, et c'est quand même beaucoup de désagréments, les randonneurs, au niveau des déchets et tout. Enfin, finalement, on se retrouve maintenant dans plein d'estives, dans des zones de tourisme vraiment intense, quoi, finalement. Et donc, ouais, c'est un peu moins d'isolement. Je dirais, c'est pas de l'isolement solitude, mais c'est plus de l'isolement au niveau du fait qu'on peut jamais s'engager à rien, ouais, parce qu'on n'est pas dans la vraie vie de tout le monde, quoi. D'avoir une parenthèse de 4 mois où on est vraiment en dehors de tout le reste, quoi. Ouais. Je comprends. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier ? Parce qu'on va y revenir un peu sur le détail, mais c'est quand même un métier physique où, en effet, il y a ce côté où on est coupé du monde, hein, vous le disiez, on ne peut pas prendre d'engagement sur le long terme, mais qui a aussi des avantages, peut-être aussi un côté un peu contemplatif parfois. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce qui vous plaît maintenant que vous l'avez expérimenté après toutes ces expériences ? Ce qui m'a attiré au départ, je pense que c'est le rapport aux animaux, qui est hyper respectueux, je trouve. On suit vraiment le rythme des brebis. Ben voilà, plus il y a de prédation et moins on suit le rythme. Mais à la base, moi, ce que j'aimais, c'était ça. C'était qu'on pouvait vraiment suivre le rythme des bêtes. Et travailler avec un chien aussi, c'est hyper intéressant. Et c'est très beau. On va beaucoup en profondeur dans les choses. Et moi, je suis aussi très proche de la nature dans le sens où je m'y sens bien, quoi. Je ne vais pas avoir de peur la nuit si je suis toute seule et tout. J'ai zéro... Voilà, je me sens en sécurité dans la nature. Et je pense que c'est ça, oui. Et c'est ça qui fait aussi que ça ne me gêne pas d'être toute seule, parce que je me sens chez moi, en fait. Il n'y a aucun problème pour moi là-haut. Que les avantages, au final. Bon, bien sûr, ça peut être aussi un inconvénient d'être coupé du monde. J'imagine que ce n'est pas facile tout le temps d'être seule dans la montagne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des fois des météos pas évidentes. Dans votre livre, vous faites mention de semaines entières dans le brouillard, dans le froid, avec de la pluie. Mais ouais, j'imagine qu'on a aussi du temps pour se recentrer, pour penser à plein de choses. Je sais pas si c'est forcément bien, parce qu'on peut aussi penser à des choses pas très agréables, mais... Ouais, faut être solide. Ouais. faut être solide physiquement et psychologiquement. Mais oui, pour moi, c'est vraiment un métier où il n'y a pas que des avantages, et au contraire, je dirais que c'est un peu l'enfer et que c'est... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'inconvénients et des très gros et à plein de niveaux, même au niveau du salaire. Et ce truc un peu super beau de nature et de lien à l'animal qui, des fois, me fait me rappeler, hein, mais oui, c'est pour ça que je suis là. Ça. Ouais, c'est un peu l'inverse de ce que tout le monde peut penser, où c'est trop beau toutes mes journées. Et bon, des fois, c'est dur parce qu'il y a la pluie. En fait, c'est l'inverse. C'est tout le temps trop dur. Et des et fois, des fois, il y a des moments bien. Des fois, je me dis, putain, mais ça, je peux le vivre qu'ici, quoi. Et justement, je me demandais, donc, c'est un métier dur. Est-ce que votre famille, vos amis, ils ont compris quand vous leur avez dit, ok, je monte toute seule dans ma montagne pendant 4 mois ? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont flippé, ils se sont dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ouais, tout le monde comprend pas. Tout le monde ne comprend pas. Après, venant de moi, je pense que ce n'était pas non plus hyper, hyper étonnant. Non, et puis j'ai toujours fait mener ma route comme ça sur des chemins un peu spéciaux. Quoi. Je suis partie de chez moi très tôt, à 17 ans. Je suis partie vivre en Roumanie. Voilà, j'ai toujours eu besoin de vivre à fond. Et donc, je pense que ce n'était pas très étonnant. Après, c'est vrai que... Je vois ma mère, par exemple, ma première estive dans les Pyrénées, là, quand je suis arrivée dans les Pyrénées, qui était très dure et que je raconte dans le livre, elle partait de là, elle était un peu... Un peu inquiète. Ouais, puis elle se demandait pourquoi je restais là-haut, quoi. Mais du coup, avec le livre, maintenant, ils comprennent mieux ? Non, il y a même des gens qui m'ont dit, mais du coup, tu remontes. Mais je croyais que tu détestais, en fait. J'ai lu le livre, ça a l'air horrible, et en fait, tu remontes. Mais ouais, c'est un peu ce que je dis, c'est que c'est super dur et en même temps, c'est un métier qui a du sens et voilà, donc pour le moment, je suis ça. Et vous y remontez. Mm-hmm. On vous laisse mâchouiller un brin d'herbe, le nez au vent, bêler en rythme comme les brebis. Le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Tabou 69 par Burt Blanca et les Kings Créoles. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invitée Florence Debauve, bergère, mais aussi autrice et illustratrice du livre Bergère, qui vient nous présenter son quotidien en estive dans les montagnes pyrénéennes avec ses brebis. Dans votre livre Bergère, justement, vous expliquez que vous n'êtes jamais vraiment seule sur la montagne, car vous avez une assistante, Noké, votre chienne, qui vous aide au quotidien. Alors moi, je me demandais comment est-ce que vous avez appris à travailler avec votre chien, parce que vous avez dit que vous avez appris au début avec les chèvres en Provence pour guider. Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce que le chien lui-même apprend? Et comment est-ce que vous, berger, vous apprenez à vous coordonner avec un chien pour lui apprendre les gestes pour guider le troupeau? Ouais, bah c'est tout un apprentissage, surtout du berger, parce que le chien, il sait quoi. Noké, c'est une race, c'est un berger de Savoie, donc c'est une race rustique. Et c'est des races qui ont été sélectionnées depuis des générations. Et donc l'instinct, ils l'ont. Et c'est à moi de savoir faire avec ça pour qu'elle me comprenne, en fait, à moi de m'adapter. Et là, je pense que la première étape, c'était quand j'ai travaillé avec la première chienne, où du coup, j'ai appris. Elle était plus ou moins dressée. En tout cas, elle était très précoce, donc elle savait travailler, quoi. Et moi, j'ai appris que la manière dont je me positionnais et dont je parlais pouvait tout changer. En fait, je peux donner un ordre, si je suis mal placée, ça va pas ça marcher, marche pas. Quoi. Et donc, j'ai appris ça avec elle. Et ensuite, quand j'ai pris ma propre chienne, je pense que j'ai posé plein de questions à plein de bergers. Et il y a aussi des dresseurs de chiens de troupeau, donc j'ai fait des stages. Okay. J'ai fait pas mal de stages, pas forcément avec la chienne, mais plus pour voir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. Dans quelles conditions on l'a fait travailler les premières fois. Parce qu'il faut, il faut vraiment la mettre en confiance et à nous de nous adapter à ce qu'elle sait faire, elle, quoi. Mais quand vous l'avez... Parce que j'imagine que vous l'avez eue petite, ouais. Quand elle était encore bébé. Il y a des choses qu'elle doit savoir faire toute seule, tout de suite. On lui présente un troupeau, elle saura le contourner, etc. Ou est-ce que, quand même, il faut lui apprendre des mots, des actions pour compléter, quoi? Ouais, bah après il y a plusieurs écoles de dressage. Un chien, on le met pas au troupeau avant 6 mois, par exemple, et à partir de 6 mois, et juste on le met en confiance, quoi. On lui met pas forcément d'ordre. Et un peu plus tard, quand il est en confiance et que tout va bien, quand on le met à 6 mois sur un troupeau, en fait, il va savoir aller face à vous. On appelle ça midi 6 heures, où il va face à vous derrière le troupeau pour que le troupeau soit toujours près de vous, quoi. Donc ça, sans rien savoir, il sait faire ça. Okay. Et après, une fois qu'il est à l'aise et qu'il fait 2-3 petits trucs, on peut mettre des mots sur ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est très simple, c'est pas du dressage, en fait, c'est juste, tu fais ça, c'est bien. Par exemple, il se couche, tu lui dis coucher et il comprend au bout de 3 fois et il comprend que coucher, c'est coucher, quoi. Et ben le troupeau, c'est pareil. Quand il fait quelque chose qu'on aime bien et qu'on veut valider, on peut mettre un mot dessus. Et il y a plusieurs actions différentes, parce que le chien de berger, quand on voit des images à la télé, on voit souvent qu'il va entourer le troupeau pour qu'il se dirige dans une direction donnée. Est-ce qu'il peut être sollicité pour d'autres choses, pour au contraire le disperser, ou pour est-ce qu'il y a d'autres actions globales que le chien est amené à faire? Ouais, il peut se séparer de l'eau, par exemple. Bon, ah, ça, okay. C'est un chien vraiment bien dressé. Noké, elle veut pas. Noké, elle peut, mais par exemple, là, l'été dernier, il y a 2 troupeaux qui se sont mélangés. Ah, et oui. En fait, juste avant qu'ils se mélangent, genre, il y avait un premier rang de brebis qui allait se rencontrer, et juste avant qu'elles se mélangent, moi, je savais pas quoi faire. En fait, quand 2 troupeaux se mélangent, après, derrière, pour les dissocier, on les ramène à la ferme et c'est du tri pendant une demi-journée et tout le monde est dégoûté, quoi. Et tu te fais engueuler par tout le monde. Donc, moi, j'étais là, mince, elles vont se mélanger. Elles étaient vraiment prêtes à se mélanger. Il y avait quelques brebis qui avaient commencé. Et j'ai dit, vas-y, quoi. Et en fait, elle l'a fait d'elle-même. Mais parce qu'elle connaissait son troupeau et que du coup, elle avait capté que l'autre, c'était pas son troupeau. Et donc, si je lui dis d'aller derrière, elle va aller derrière son troupeau à elle, quoi. Mais il y a des gens qui... Moi, c'était un peu au feeling comme ça. Il y a des gens qui dressent vraiment leur chien à séparer de l'eau On peut aussi de l'eau de brebis. Pas de l'eau aquatique, mais de l'eau de brebis, tout à fait. Ça. Et on peut, un chien, il peut pousser un lot de brebis dans des barrières ou dans un camion ou aller très très loin sur la montagne. On peut aussi les envoyer très loin et les stopper très loin pour barrer juste un endroit qui est dangereux et puis laisser le chien là en stop. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas redéfini, mais en estive, quand vous partez, alors il y a plusieurs types d'estive, hein, vous le disiez, mais là pour le coup, vous ne rentrez pas le soir à la ferme, vous avez un logement qui va être votre logement pendant les 3 mois et demi où vous êtes là-haut. Mais il y a des fois des aménagements pour les brebis, il y a des parcs, des choses comme ça, si un animal est blessé ou pour passer la nuit. Ça oui. Dépend des estives aussi, il y a des fois des parcs de nuit, des fois il n'y en a pas. C'est ça, ça va dépendre des estives. En général, il y a des parcs de nuit, parce que maintenant on en a besoin avec la prédation. Mais par exemple, moi là, je n'ai pas de parc de nuit et les brebis dorment toutes seules. C'est une pratique assez vieille, qui s'appelle la couchade libre. Et donc, elles dorment sur les crêtes. Tous les troupeaux dorment sur les crêtes. C'est elles qui choisissent le meilleur coin. Et elles se posent là, elles dorment. Elles ont toujours le même coin. Enfin, elles ont 2 ou 3 couchades. Et elles vont toujours au même endroit en fonction de la période ou de la météo. Et par contre, j'ai un parc de soins en barrière en dur, quoi. Et un parc infirmerie aussi pour garder des brebis qui iraient pas bien. Et ça, les soins aux brebis, vous l'avez aussi appris lors de votre première expérience avec les chefs, du coup, qui n'étaient pas des brebis, mais comment? Parce que j'imagine qu'il peut y avoir plein de cas de figure entre une qui tousse un peu ou une qui tord une patte. Vous avez du matériel pour faire les premiers soins ou alors vous pouvez faire appel à un vétérinaire? Comment ça se passe dans ces cas-là? Ouais, bah là c'est plus que les premiers soins parce que justement on peut pas faire appel au vétérinaire. Enfin, si on l'appelle, il va coûter beaucoup plus cher que la brebis, quoi. Donc moi les soins j'ai appris d'abord sur chèvre et ensuite comme je savais que je voulais monter en estive et que je voulais être autonome en soins sur brebis, je suis allée voir plein de bergers et j'ai essayé d'apprendre comme ça, quoi. Et ma toute première estive, c'était avec un autre berger où j'ai pas fait toute la saison, mais on se partageait le travail à deux. Et lui, il m'a beaucoup appris les soins en brebis. Mais après, ça va. Oui, comme on fait pas appel au vétérinaire, on a intérêt à être quand même assez compétent, quoi, en soins. On va pas être aussi bon qu'un véto, mais on sait faire pas mal de choses. Moi, je sais poser un plâtre. Voilà. Ah oui, quand même, c'est déjà un peu avancé, quoi. Ouais. Ouais, et c'est utile parce que c'est des choses qui arrivent assez facilement en montagne, quoi. Oui, il suffit qu'il y en ait une qui glisse. Ouais, c'est une mauvaise chute, même pour des animaux qui ont le pied sûr, c'est vite arrivé. Et vous avez donc travaillé avec des chèvres, avec des brebis. Est-ce qu'il y a des grosses différences sur comment est-ce que le troupeau se comporte? Bah, ça, j'aurais du mal à généraliser parce que j'ai travaillé sur quelques troupeaux de chèvres et quelques troupeaux de brebis. Donc, je peux avoir mon avis à moi. Après, je ne sais pas si c'est très représentatif, mais... Pour moi, les brebis, elles vont peut-être être un peu plus prévisibles, okay. Sans dire qu'elles sont bêtes ou quoi. Je les trouve au contraire assez intelligentes dans leur manière de se déplacer. Les chèvres, j'avais l'impression que c'était vraiment... c'était un peu la folie. Il fallait s'attendre à tout et ça dépendait de tout petits stimuli. Genre, c'est la période des glands, bah là, elles vont aller d'un chêne à l'autre. Et c'est un peu des périodes de 10 minutes aussi où c'est la folie pendant 10 minutes, il suffit d'attendre et puis après, t'as un petit créneau pour les emmener ailleurs. Bon, les chèvres, il faut connaître super bien son terrain et super bien ses chèvres. Et là, t'arrives à faire quelque chose d'intéressant, quoi. Mais il faut bien les connaître, ouais. Mais c'est aussi un truc qu'on évoquait, parce qu'on disait que, par exemple, Noké, elle avait besoin de connaître le troupeau. Ça veut dire que c'est plus facile, potentiellement, si vous faites plusieurs années avec le même troupeau, le même éleveur. Parce que si vous changez de troupeau à chaque fois, il faut reprendre vos marques chaque année, finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour l'environnement, c'est intéressant aussi. Les estives où tu reviens, tu peux améliorer des choses, tu peux débroussailler des endroits où tu sais que tes brebis, elles vont passer et que ça va être intéressant, qu'elles vont débroussailler encore plus derrière si tu ouvres un petit passage. Tu peux apporter pas mal d'améliorations. Et en même temps, pour les éleveurs, c'est un stress en moins de savoir que la personne revient. Pour le chien, c'est plus pratique aussi. Enfin, moi, en tout cas, dans le cas de ma chienne qui aime bien avoir ses petites habitudes, c'est mieux. Même de savoir où est sa niche et tout. Enfin, elle, pour elle, c'est précieux, en tout cas, de pas trop déménager. Et en plus, c'est des métiers qui sont des CDD saisonniers. Donc nous, en tant que bergers, on a tendance à être l'hiver à un endroit, l'été à un autre. Donc moins on bouge, mieux c'est en théorie. Oui. Après, pour pouvoir ne pas bouger, il faut avoir aussi des montagnes avec des super conditions, en tout cas des conditions qui nous vont. Et ça, c'était souvent dur à trouver parce qu'il y a plein de paramètres pour choisir une montagne. Mais c'est ce que j'allais dire dans le livre. Vous le dites que c'est important de bien choisir sa montagne, que vous y allez en repérage avant pour voir un petit peu. Dans ces nombreux facteurs, vous, les critères que vous choisissez pour choisir votre montagne, c'est plutôt quoi? Est-ce que c'est la dureté? Parce que c'est vrai que vous vous déplacez à pied, donc il faut que ce soit plus ou moins compliqué à se déplacer. Est-ce que, parce qu'on parlait aussi de différents types d'hébergement, donc l'hébergement dont vous disposez pour vous loger, qu'est-ce qui va jouer pour choisir? Bah, je dirais que ça dépend, ça dépend encore. ça dépend aussi de moi, où j'en suis. Donc, par exemple, on disait hors antenne que là, j'ai choisi une montagne, j'ai changé de montagne, j'ai choisi une montagne vachement plus facile avec un accès voiture, avec une bonne cabane. J'ai même une douche chaude. Le luxe. Et, <c'est ça. rire> pas trop de dénivelé. Donc, conditions assez, on ne peut pas dire facile parce qu'il n'y a pas d'estif facile, mais abordable parce que je me suis fait mal au dos dans l'ancienne montagne, la montagne que j'avais avant, et au genou. Donc là, dans ce cas-là, quand je cherche une nouvelle montagne, je vais chercher une montagne où je vais peut-être m'ennuyer un peu, peut-être, où il y aura plus de randonneurs, mais en tout cas, là, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Après, si je suis super en forme, je vais peut-être aller sur une montagne peut-être un peu plus dure, mais plus belle ou plus sauvage, et où je vais voir des choses qui me paraissent plus précieuses, peut-être. Voilà. Après, moi, j'aime pas trop changer d'endroit, mais c'est vrai qu'en plus, les conditions changent. Si l'ours arrive, moi, ça va peut-être me pousser à aller ailleurs aussi, parce que c'est pas trop mon truc. Mais voilà, donc il y a plein de paramètres à nous de choisir lesquels sont importants pour nous à chaque fois, quoi. Et au niveau du quotidien, alors là aussi, j'imagine que c'est une question compliquée. On s'imagine que les bergers, ils se posent dans l'herbe avec un morceau de brin d'herbe entre les dents et qu'ils s'y flottent toute la journée à côté de leur troupeau. Mais concrètement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Comment se passe, on va dire, une journée habituelle? Vos brebis ont dormi sur leur lieu de couchage en hauteur. Vous, tous les matins, vous allez voir où elles sont, vous vérifiez que tout le monde va bien. Comment ça se passe? Oui, moi, dans ce cas-là, où elles dorment seules en haut, j'y vais et je les mène, en fait. Je sais à peu près, en fonction de la période, en fonction de la saison, début d'été, milieu d'été, fin d'été, l'herbe ne va pas être aussi bonne partout. Ou alors, certains coins, je sais qu'ils vont se dégrader par la suite. Du coup, c'est bien de manger ça et le reste va rester frais ailleurs. Et donc, je les mène dans ces endroits-là. Je surveille, je regarde quand elles passent devant moi ou quand je les réveille le matin, je regarde si tout le monde va bien. Quand elles se lèvent le matin, c'est un moment assez cool parce qu'elles se lèvent toutes tranquilles. On peut toutes les regarder et voir s'il y en a une qui traîne un peu quand on part. Et celle-là, du coup, je la garde à l'œil. Et voilà, et après, on les suit. Au bout d'un moment, on les connaît, donc souvent, on leur donne un biais, on essaye de les mener, et puis elles n'ont pas forcément envie, et donc il faut un peu ruser, ruser avec le chien ou sans le chien. Mais... Et oui, donc c'est de la surveillance, c'est être attentif, c'est connaître la montagne. Oui, c'est ça, parce qu'il faut connaître les zones où elles peuvent aller pâturer ou non, savoir comment y aller, comment se déplacer. Et surtout, on ne l'a pas précisé, mais votre troupeau, par exemple, il compte combien d'animaux? Parce que ce n'est pas 10 brebis. Là, j'en ai 600 cette année. 600, ah ouais. Ouais. Après, les troupeaux, ça peut aller de 300 à jusqu'à presque 2000 pour un berger, quoi. Mais ça veut dire qu'en permanence, vous êtes concentré sur le bien-être de 600 brebis en simultané. Donc, au niveau charge mentale, il faut s'assurer que tout le monde va bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on disait hors antenne, c'est que même la nuit, ok, dans mon cas, elle dort pas à côté de la cabane. Maintenant, c'est assez rare. Normalement, elle dort plutôt à côté de la cabane. Mais même la nuit, moi, je suis au taquet. Enfin, s'il se passe un truc, y a un bruit ou quoi, je suis là. Et puis, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'ours, vent, mais ouais. Ça peut être ça peut être aussi une personne qui vient voler des brebis. Il y a de tout, quoi. Ah, ça arrive qu'il y ait des gens qui essayent de venir voler. Ouais, il y a des. Waouh. ça peut arriver, ouais. Je pensais que c'était que dans Lucky Luke, ça, les gens qui vont voler les moutons aux voisins, mais d'accord. Ouais. Bah, c'est assez rare. Et normalement, s'il y a une bergère, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, le moindre petit truc que j'entends, je suis au taquet. Et puis, il y a quand même toujours une certaine distance entre l'endroit où vous dormez, la cabane, et l'endroit où elle dorment. Donc, il y a toujours ces heures de la nuit où, même si vous êtes sur le pied de guerre, c'est compliqué quand même. Enfin, ouais, après, elle ne dorme jamais très loin non plus. Donc, je pense que j'entends. Par exemple, si c'était un moteur qui allait jusqu'à elle, je l'entendrais. On n'est quand même pas très très loin. Et elles savent aussi s'il y a un souci, elles savent et elles descendent. Elles savent, ma cabane est juste en dessous, donc elles savent qu'elles peuvent tracer tout droit et arriver au parc, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a une relation de confiance qui a eu le temps de se nouer entre vous et le troupeau. Elles savent que vous êtes un référent et que vous êtes la protectrice. Donc ça veut dire que s'il y a un souci, elles viennent vers vous. Ouais. Après, moi, je pense qu'en 3 mois, j'ai pas le temps de créer un lien comme ça. Ce serait plus avec les éleveurs. Mais en tout cas, je pense qu'elles savent qu'avec l'humain, elles sont en sécurité. Dans les parcs, elles sont en sécurité. Ça, je pense qu'elles le savent. Ouais. Elles vont pas rechigner à y aller s'il y a un danger. Non. Et quand j'ai eu l'attaque là que je raconte dans le livre, elles ont, sur le coup, elles ont essayé de descendre de la montagne complètement. J'ai envoyé Noké. Et là, quand elles sont revenues, elles sont rentrées dans le parc facile, quoi. Bon, c'est Noké qui leur a demandé de le faire, mais après, elles y sont allées comme des folles. Après, elles sont restées tranquilles toute la nuit. Parce que oui, c'est vrai que nous sommes dans les Pyrénées, donc il y a l'ours. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu la hantise des bergers d'avoir une attaque, parce que malheureusement, même si la population n'est pas encore très grande, elle est suffisante pour qu'il y ait encore des attaques et des dégâts. Les troupeaux, on ne sait jamais comment ils vont se comporter. Il peut y avoir aussi bien une brebis emportée qu'un troupeau qui panique et qui tombe, et c'est le pire des cas, parce que tous les animaux ou autres y passent, donc c'est l'angoisse de tout berger. Donc vous le racontez, vous avez vécu une attaque d'ours. Du coup, comment ça s'est passé? C'était de jour, de nuit? C'était de nuit. Ouais. Et donc là encore, elles étaient en couchade libre. Bah, moi, je cherche plutôt les estives en couchade libre parce que j'ai une petite nostalgie pour les traditions. Et voilà, et ça, c'est une technique de garde où, en fait, en plein été, les brebis, elles mangent très bien la nuit et très peu le jour. D'accord. Et donc, en couchade libre, ça leur permet de manger autant qu'elles veulent toute la nuit, quoi. Ok. Et donc, pour cette montagne-là, j'avais mon troupeau en haut, c'était la nuit. Et je les ai entendus débouler, en fait, j'étais en yourt, ouais, pleine balle à la yourt. Sur le coup, j'ai pas compris, moi j'étais en train de dormir, donc je me suis réveillée, je me suis levée. Et j'ai pointé la lampe torche, je sais pas si vous voyez, mais les brebis, quand on les éclaire la nuit, on voit que les yeux. Ouais. Et là, en fait, c'était un vallon où des deux côtés, c'était plus haut que moi. Genre la yourte, elle est dans le creux et elles arrivaient d'en haut. Et j'ai vu genre 350 paires d'yeux qui arrivaient comme des folles sur moi. En pleine nuit en se réveillant. Donc ça, et je me suis poussée, quoi. Je me suis décalée, elles vont m'écraser. Quoi. Ouais. Et voilà, j'ai mis quelques secondes pour reprendre mes esprits et me dire, OK, qu'est-ce que je fais? Donc là, dans ma tête, je sais que c'est un ours. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Il fait tout noir. Les brebis ont eu très peur de ma grosse lampe torche qui éclaire très loin. Donc je la range et je prends une toute petite frontale. Donc là, avec la petite frontale, je suis bonne bergère qui va récupérer ses bêtes, mais s'il y a l'ours, je le vois pas, quoi. Enfin, je vois pas à 2 mètres. Et donc, pour ma sécurité, la frontale, c'est bien pour les brebis, mais c'est pas bien pour moi. Et ouais, donc les brebis courent toujours. Et là, je vois qu'en fait, le temps que je mets mes chaussures et tout... Enfin, mes chaussures, je crois que j'étais en Crocs. Le premier truc à portée de main, ça, quoi. C'est ça, pour courir derrière les brebis, c'est nickel. Je vois que les brebis commencent à descendre pour aller repartir, quoi, ouais. Rentrer à la maison. Ah ouais, à la ferme, quoi. Elles repartent tout en bas, quoi. Elles, c'était des brebis qui venaient d'Aveyron. Donc là, elles allaient juste dans la vallée, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai lancé Noké. Immédiatement, quand j'ai lancé Noké, je m'en suis voulu tout de suite parce qu'elle, évidemment, elle savait ce qu'elle avait à faire, mais il faisait nuit. C'est une montagne super dangereuse. Il y a des falaises de partout autour de la cabane. Et je sais pas comment elle voit, elle, dans la nuit. Je sais pas si elle va réussir à les arrêter aussi. Est-ce que les brebis qui foncent toutes comme des folles, est-ce que juste ma petite Noké qui passe devant, ça va suffire à ce qu'elles viennent dans le sens inverse? En plus, elles sont dans le sens de la pente et tout. Enfin, je l'ai envoyé. Juste après, je suis complètement folle. Et en fait, là, j'ai vu tout le monde revenir. Donc, j'ai vite ouvert le parc et elles ont foncé dans le parc. Elles sont toutes dedans. Et Noké est revenue et elle n'a pas croisé l'ours. Ou en tout cas, elle ne peut pas nous le raconter. Ouais, bah, elle est revenue, elle n'a pas croisé l'ours. Mais une fois qu'elle est revenue, donc moi, j'ai fermé le parc et tout. Les brebis avaient emporté des barrières avec elle. Donc, je les ai remises. Et quand on a eu fini, je suis restée un petit moment là. Et Noké est allée vers la forêt. Donc, elle est allée vers là d'où venaient les brebis, en fait. Et elle est partie en grognant. Et elle est allée jusqu'à la forêt. Et à la forêt, elle a couiné. Elle est revenue se mettre dans mes pattes en tremblant. Il y a un truc qui la rassurait pas trop, quoi. Ouais, une odeur puis, ou quelque chose. Enfin, voilà, elle connaît les sangliers. Mmh. Les sangliers, ça attaque, quoi. Ah, donc, elle connaît tout ça. C'est pas une chienne qui est craintive du sauvage, quoi. Elle est craintive des humains, mais elle n'est pas du tout craintive de la montagne, ni rien. Et donc là, je me suis dit, mais là, c'est... j'ai jamais vu ça, quoi. Ouais. Là, il y a vraiment un truc. Et en fait, on était entre le parc de nuit et la yourte. Et la forêt était entre les deux. Moi, j'étais là, mais... il va falloir retraverser. C'était pas directement entre les deux, mais en fait, c'était juste à côté, quoi. Et j'étais là, putain... Et donc, j'ai tracé comme ça. Donc, elle était toujours collée dans mes pages et je pouvais trébucher... Et vous êtes rentrées toutes les deux bras dessus bras dessous jusqu'à la yourte. Je suis rentrée à la yourte et là j'ai plus bougé, mais j'ai pas dormi et je suis restée à regarder les brebis. Et dans le livre, vous en faites mention, il y avait deux patous avec vous, Oseille et Lentille, ouais, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de l'ours, on présente souvent le patou comme donc ces gros chiens qui sont des chiens de protection. Ils ne sont pas là pour guider le troupeau, ils sont vraiment pour le défendre en cas d'attaque. Là, dans le cas de figure, Lentille et Oseille, elles n'ont pas trop aidé, si j'ai bien suivi. Ouais, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé là-haut. Je crois que l'idée des chiens de protection par rapport à l'ours, c'est que le fait qu'elles aboient, quand ça elles prévient, entendent quoi. Des bruits, ça prévient. Mmh. Et l'ours, il entend, il n'a pas envie de croiser des chiens, il part, quoi. Bon, là, ça n'a pas marché. Parce que du coup, elles ont suivi les brebis, les deux patous. Et... Ouais, et je suis sûre qu'elles ont aboyé, en fait, parce que c'était des chiennes qui aboyaient beaucoup. Donc d'accord. Je sais que si elles ont entendu un truc, elles ont aboyé et que l'aboiement n'a pas fait fuir l'ours, quoi. Voilà. Et après, une fois face à face, possiblement, elles ont dit « Ouais, non, c'est pas grave. Vas-y, prends ce que tu veux, mec. » Et ça, je peux que les comprendre, quoi. Mais elles sont arrivées, elles étaient hyper flippées aussi. Bah oui, ouais. Ouais. Donc, bon, ça reste quand même une problématique compliquée. Et au final, le lendemain, est-ce qu'il manquait des bêtes à l'appel ? Est-ce que l'ours a attrapé une des brebis ? Alors, il a attrapé une brebis. Et je ne l'ai pas su le lendemain, en fait, donc je savais qu'il y avait une attaque. Mais le lendemain, évidemment, c'était brouillard. Il y a eu du brouillard pendant 4-5 jours. Donc, dans le brouillard, on ne voit pas non plus les vautours qui se déplacent. Du coup, je me retrouve avec une montagne entière à fouiller, quoi. Ce que j'ai fait. Mais je l'ai trouvé 5 jours plus tard. Et en plus, je ne savais pas ce que je cherchais. J'avais trop peur, justement, qu'il y ait eu un dérochement et que j'en retrouve 20 mortes. Qu'il soit tombé, ouais. Qu'il faille en achever. Parce que c'est ça aussi, le truc de l'ours, c'est que... C'est pas 20 mortes, plof, elles sont mortes. Non, c'est... T'en peu as... des animaux blessés, agonisants. Que... Bah voilà. Ouais, que tu vas dans les falaises, là, dans les barres rocheuses, tu y vas avec ton couteau et en tuer une et après l'autre et après encore l'autre. Enfin, moi, j'avais vraiment très, très peur de ça. Et finalement, j'en ai trouvé qu'une au bout de 5 jours. Qui était morte. Qui était morte et mangée par les vautours. Ok. Et donc ça, c'est pas l'idéal parce qu'on nous demande en général d'avoir une bâche sur nous pour couvrir les bêtes mortes, pour qu'on les trouve intactes. Et donc j'ai appelé les gardes, il y a eu un constat, donc ils m'ont reproché de ne l'avoir pas trouvé. Mais oui, mais bon. je pense qu'eux, ils sont arrivés en plus en plein soleil, genre j'étais là, mais c'est pas juste quoi. Mais je pense qu'ils n'ont pas capté qu'il y avait eu du brouillard ou qu'ils m'ont pas cru ou quoi, je sais pas, ils n'ont pas été cool quoi. Ils m'ont un peu dit que j'avais rien foutu et... Ouais. Et voilà, donc on est allé faire le constat et ça s'est avéré que c'était l'ours, quoi. Ok. Mmh. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dédommagement pour le berger, pour l'éleveur ? Ouais, on a eu chacun un dédommagement. Ok. Moi, je ne sais plus combien c'était. C'était un peu plus de 100 euros, je crois. Ok. Et l'éleveur, je ne sais plus non plus. Mais bon, ça couvre en gros le prix de l'animal. Mais après, vous, ce que vous disiez aussi hors antenne, cette attaque-là, elle a eu... Elle a eu lieu au début de l'estive, au début de la longue période où vous étiez. Et après ça, j'imagine que vous n'étiez pas très, très sereine, quoi. Non, j'étais flippée tout l'été, mais vraiment... En plus, c'est une montagne où je suis seule à une heure de marche. Il y a très peu de réseau. Il y a des endroits avec du réseau, mais il y en a très peu. En plus, moi, je suis il y a du brouillard tout le temps. Moi, je suis tout le temps perchée sur des barres rocheuses parce que c'est une montagne dangereuse et qu'il n'y a que ça. Et sur les barres rocheuses, il n'y a pas de réseau. Et si, je me dis tout le temps, en fait, si là, sur cette crête, je croise une ours avec un petit, ben en fait, c'est elle ou moi, parce qu'elle va être autant flippée que moi, j'ai pas de réseau. ma chienne, elle va être entre les deux. Moi, je vais avoir tendance à protéger ma chienne, même si je ne vais pas mettre ma vie en danger, mais quand même, je vais avoir tendance à la rappeler et à essayer qu'on parte toutes les deux intactes. Bon, voilà, on se retrouve, en fait, l'ours comme moi, dans ce cas-là, on se retrouve toutes les deux dans la merde, quoi. Complètement. Et est-ce qu'il y a des alternatives, des sortes de missions spéciales ours qui existent pour vous soutenir dans ces moments-là où vous êtes seul et du coup seul en montagne sans forcément d'assistance à part les patous? Est-ce qu'il existe des modalités actuellement pour aider les bergers? Ouais, il y a des systèmes. Il y a par exemple la pastorale pyrénéenne qui peut envoyer un berger d'appui en cas d'attaque. Et c'est en général des bergers voilà, qui sont formés, qui ont fait des estives avant et qui viennent soutenir le travail. Après, moi, dans le cas de mon attaque, c'est vrai, je réfléchis là maintenant pourquoi je n'ai pas appelé. Je pense que je ne me suis pas dit que ça durerait 5 jours, les recherches. Ah oui. Et que même au bout de 4 jours, je me suis dit, ouais, mais là, c'est mort, de toute façon, on ne va retrouver plus que des os. Je me suis pas dit qu'il y aurait du brouillard pendant 4 jours. En fait, c'est compliqué d'anticiper. Puis en montagne, ça change très vite. C'est vrai que le temps, des fois, ça peut se courir d'un coup. Ouais, ouais. Et puis c'est dur de penser à d'autres choses. En fait, moi, au moment où j'ai eu l'attaque, donc les brebis, elles sont très flippées après une attaque. Elles veulent plus retourner à l'endroit où elles ont été attaquées. Donc moi, c'était un grand pan de montagne auquel j'ai dit au revoir pendant quelques mois, quoi. Et donc je passais. Il fallait que je fouille toute la montagne, plus que je garde mes brebis beaucoup parce qu'elles avaient très peur. Et elles, en gros, quand elles étaient toutes seules, elles ne voulaient pas manger, elles attendaient que je sois là. Et donc, c'était des heures et des heures de travail, en fait. Et je pense que j'avais tellement la tête dans le guidon que je n'ai même pas pensé à appeler qui que ce soit. Bah oui, c'est normal, enfin, dans le feu de l'action et puis avec le stress. Enfin, c'est compliqué de prendre une décision. Puis voilà, il faut faire vite. Vous êtes seule pour gérer la situation. Il y a plein de trucs qui se passent dans tous les sens. Il faut faire au mieux, quoi. Pour finir, outre l'ours, on évoque souvent des soucis l'été avec les randonneurs, qui des fois viennent un peu trop près des troupeaux, qui peuvent stresser les brebis, ou justement avoir des soucis avec les patous qui justement viennent les défendre. Quels seraient vos conseils pour que la cohabitation se passe mieux? Alors, conseils. Ne venez pas près des troupeaux. Surtout, on reste gentil et courtois. Non, ça, c'est important parce qu'en fait... Je pense que les patous et tout, ça génère de la peur, mais même finalement, même les bergers. Mais les gens, ils sont un peu gênés, machin, et du coup, très vite, ils peuvent être pas sympas. Et ça, moi, je sais pas gérer ça, par exemple. Il faut attacher ses chiens, il faut pas couper le troupeau. Passer au milieu d'un troupeau, c'est interdit. Ouais. Les brebis partent dans tous les sens. C'est ça. Ouais. On ne fait pas de selfie avec les brebis. Ça, on n'en fait pas. Si on peut ne pas en faire du tout en montagne, c'est bien aussi. Ou laisser son téléphone en bas. On dit bonjour au berger. On lui pose des questions si on a besoin. Parce que c'est possible aussi. On ne jette pas ses détritus. On ne fait pas caca sur les crêtes. Parce qu'en plus vous les voyez aux jumelles, donc c'est aucune discrétion. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment fin d'estive. Moi, la crête, parce que c'est marrant, les gens ils vont sur la crête parce que finalement c'est là où on est comme il n'y a pas d'arbres ailleurs, bah, c'est là où on nous voit le moins. Et moi, je me promène beaucoup sur les crêtes, donc je me promène dans les toilettes. C'est parfait. C'est très agréable. Et puis, des règles simples, on prend de l'eau, on prend une carte, on prend un chapeau. Un équipement pour faire... Ouais, des chaussures. On n'y vient pas en tombe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Avec ça, je crois qu'il y a tout pour passer un été en tout cas plus serein. Donc respectez les brebis, les bergers qui les accompagnent. Ne faites pas n'importe quoi, profitez du paysage sans embêter les autres. Ça sera, je pense, le mot de la fin. Merci beaucoup Florence de nous avoir transporté avec vous sur les hauteurs pyrénéennes pour découvrir votre quotidien de bergère avec vos brebis. On vous souhaite le meilleur pour la prochaine saison. Merci. Et on finit comme d'habitude par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous recommander trois ouvrages et un podcast. Le premier est un album documentaire récent qui intègre les dernières connaissances sur le loup. Il s'agit du livre « Quand le loup y est », écrit par Diana Semaska et illustré par Hélène Georges, paru aux éditions Actes Sud Junior. Ce très bel album jeunesse de 64 pages regorge d'informations très précises et sourcées. Vous saurez tout sur le loup. On y trouve tout sur son comportement, où il vit, les mythes qui lui sont associés, mais le livre aborde aussi tout le côté écologique et politique de cet animal complexe. Il présente aussi des témoignages de bergers et d'éleveurs, ainsi que des suggestions pour mieux vivre ensemble, le loup et nous. Les très belles illustrations d'Hélène Georges, en aplat, supportent merveilleusement le texte. C'est typiquement un livre jeunesse, destiné à tout le monde et où on en apprend beaucoup. Un véritable coup de cœur pour moi, que je vous encourage vivement à lire. Comme je manquais un peu de place pour la chronique sur le loup, un animal sur lequel on pourrait parler des heures, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast « Bêtes de science, le grand méchant loup n'est pas si grand ni si méchant » diffusé sur le site de Futura Science et que j'ai écrit et enregistré pour eux. Vous en saurez un peu plus encore sur cette créature mystérieuse. Je vous mets bien sûr le lien sur le site internet avec cet épisode. J'aimerais ensuite vous recommander les deux livres de Florence, notre invitée. Florence s'est lancée dans l'aventure de l'auto-édition avec le livret intitulé « Estive » sous son label SOUM, S-O-U-M, qui veut dire « sommet » en patois. Le livre de 56 pages est souple et au format A5. Les photos, pleines pages et les mots de Florence vous guident avec elle dans son quotidien de bergère. Le papier texturé, les bribes de confessions courtes et poétiques qui habillent les images, tout participe à faire de ce livre un parfait complément à son autre livre, Bergère, et un très bel objet à la fois immersif et contemplatif. Vous pouvez le commander directement sur la boutique de Florence à l'adresse flodebauve.bigcartel.com. Le lien sera aussi avec le podcast. Le dernier livre, c'est Bergère, aux éditions Transboréales, toujours par Florence. En un peu moins de 200 pages, agrémentées de ses propres illustrations et linogravures en noir et blanc, Florence vous livre son quotidien, là-haut, seule sur sa montagne avec les brebis, mais aussi Noquet, sa chienne, et Oseille et Lentille, les deux patous. On est touché au cœur par ses sensations, la façon dont elle enroule les mots qui vous transportent avec elle dans le brouillard de l'estive ou au coin du poêle, dans la cabane. C'est prenant et immersif, drôle, effrayant, très émouvant parfois. Je vous le recommande chaudement. Et pour finir, je vous lis un court passage du tout début, quand Florence annonce à sa mère inquiète qu'elle retourne là-haut pour une nouvelle estive. Ce n'est pas étonnant qu'elle se demande pourquoi je continue, pourquoi je retourne m'isoler en montagne, pourquoi j'aime ce métier saisonnier, flou, solitaire, parfois dangereux. Depuis que je garde des troupeaux, elle s'interroge et me pose la question avec franchise. J'ai toujours supposé qu'elle n'attendait pas vraiment de réponse à son pourquoi. D'ailleurs, je n'ai jamais répondu. Même si j'avais essayé, je pense que je n'aurais pas trouvé de réponse. La montagne est un mystère. Je me fonds en elle et j'accueille mes émotions. Pendant 3 mois, je marche pour les brebis. Elles me font le cadeau de donner un sens à ma vie en montagne. L'estive est à la fois un rêve et mon pire cauchemar. Elle me fait vivre des instants dont je me souviendrai toujours. L'été là-haut se résume à un état d'esprit, rien de palpable. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.